Bienvenue à tous. Vous rentrez dans la quatrième dimension. Non. Juste une série MP3. Une série MP3, donc, voilà. Créée par le studio Geek Forever. Geek et... Forever Prod, putain! Oui, Prod. C'est Geek Forever Prod. Oui, je disais, vous allez maintenant vivre une aventure, un voyage aux frontières du réel, dans le confin même de l'imaginaire, dans le... Blablabla, on s'en fout, viens-en au fait, merde! Ah mais ça suffit! Tu veux arrêter de me couper sans arrêt, tu me laisses raconter l'intro. Sinon, ceux qui écoutent, ils vont rien piger, et notre série ressemblera à rien. Là, ça part un peu trop en délire, là. Bon, bah, continue. Merci. Une série MP3, pour ceux qui se poseraient la question, est une série dénuée d'images. Il ne reste que le son, ce qui permet à toute personne de pouvoir imaginer décors, personnages et tout le reste. Et ça permet aussi aux gens avec une conne merde de pouvoir mettre la vidéo en 144 pixels. Comme ça, ils font pas chier et ils râlent pas sur la qualité d'image. C'est un point de vue aussi. Le mieux pour écouter une série MP3, c'est d'être un minimum ouvert d'esprit. Mais bon, les autres, vous pouvez regarder aussi. Écoutez, oui, non, mais là, tu commences à me saouler, là. Bon, alors. Mise en œuvre concrète. Oui. Là, qui vous dit qu'on est dans un studio d'enregistrement? Ou dans une chambre? Alors que l'on pourrait tout aussi bien être au beau milieu de la jungle. Dans l'espace. Sur un bateau. Dans un sous-marin. Ou tout juste devant vous. Non, mais là, ça part un peu trop en mode Matrix, là. Tu vas les embrouiller avec tes conneries. Ouais, ben, le script, c'est le script. D'ailleurs, t'as rien à dire, parce que ce que je viens de dire à propos du script se trouve aussi dans le script. Ok, bon. Ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça. Ah, ça, c'est pas prévu, par contre. Improvisation, man. J'ai une idée. Ça va rendre une couille, cette affaire. Oui. Comme on a pu vous le dire, on peut vous transporter dans un autre monde, grâce à votre imagination. Mais pour ça, il faut importer les sons. Exemple. Où sommes-nous tombés? J'y vois rien. Tu entends? Quoi? Nos voix qui résonnent. Ces bruits de gouttes. Cette humidité. Nous sommes... dans une grotte. Bon, continue. Aïe! Ah, oh, mais c'est pas vrai, tu peux pas allumer ta lampe, sinon... Ah oui, pardon, désolé. Ah! Voilà, vous venez de voir un parfait exemple. Nous avons dû tout de même vous décrire que nous étions dans une grotte, car cet élément ne se place pas dans une continuité d'histoire. Nos cris à la fin ont révélé que nous avons été effrayés par quelque chose. Merci, Captain Obvious. De rien. Mais on ne sait pas par quoi. C'est ce qu'on appelle un épisode inachevé. À vous d'imaginer ce que c'était. Oh, si on l'avait voulu, on aurait pu mettre un son comme... Et vous auriez pu l'imaginer avec le son, comme une bonne série MP3 l'aurait fait. Mais nous, comme on est feignants, on vous laisse vous démerder. Oh non, tu casses trop le truc. En plus, c'est toi qui es feignant parce que j'ai prévu un truc, moi. Ho ho! Et quoi donc? Sentez-vous aspiré par l'imaginaire, l'immensité de... Ok, arrête mec, même seulement avec le son, t'as l'air con. Ouais, ok, il nous faut une bonne transition. Hypercut, go! Non, non, mais non! Pas par là! Vous allez dans le wrong, là! Ah, mais puis pas par là non plus! Foncez de l'autre côté! De l'autre côté, j'ai dit! Oh, purée! Elle commence bien, cette bataille! On va se faire massacrer! Capitaine! Capitaine! Qu'y a-t-il, sergent? Vous êtes blessé? Vous avez perdu vos hommes? Non, non, c'est la guerre, capitaine! Je pas complètement couille, capitaine! Ah, oui, merci, j'avais remarqué, sergent! Mais j'ai pas signé pour ça à la base, moi! Moi non plus! Mais faut avancer, soldat, ok? Ouais, ok. Allez, go! Qu'est-ce que vous foutez, sergent? Venez ou quoi? Mais j'ai peur, capitaine! Mais y'a rien à craindre! Venez, on va suivre leur angle mort! Mais y'a plein de mecs qui tiennent! Venez avec moi! Plus, hein? Non, ça risque rien! Go! D'accord. Flûte! Il devait du blé à Georges. Ah, il va être furax. Bon, il s'agit pas de traîner. Alors, comment ça se présente? Pas mal. Ouais, pas trop mal. Bien, j'ai un plan. Vous allez passer à côté de leur tranchée, contourner les walkers, et vous emparer de leur vaisseau. Mais, pourquoi ils ne comprennent pas directement nos vaisseaux, capitaine? Ouais, pourquoi? Mais parce que c'est comme ça, et puis c'est tout. Les ennemis vous attaqueront pas. Et puis ce sera mieux, plus classe même, pour la série, voilà. Ah. Oh. Allez, cessez de dire « Ah !» et au boulot. Hop. T'as compris ce qu'il faut faire, raison? Bah ouais, c'est pas compliqué, Red. On prend un vaisseau ennemi, c'est tout. Mais, pour en faire quoi? Oh non, j'y retourne pas demander au capitaine, trop loin la flemme. Il va nous servir à rien, on pourra tout juste s'en servir pour tirer sur les ennemis. Ah mais ça, triple but, t'es con ou quoi? On va s'en servir pour s'attaquer, hein? Allez, c'est moi. Attention, Walker, il a dit le capitaine. Ouais, je sais, j'ai écouté les ordres quand même. Attention! Ah, go, on y va! Oh, on est à côté d'eux. faut se faire discret, ok? Ouais, on se fait. Plus un geste. Ok, merci. Je me suis brûlé les mains. On verra ça plus tard. Avançons. Regarde, ils ont stocké là-bas les vaisseaux. Et comment on va faire? Il nous faut le costume du garde que tu as tué tout à l'heure. Tu penses pouvoir le récupérer? No problème. Et voilà. Cool, je vais l'enfiler pour me faire passer pour l'un des leurs. Et moi je fais quoi? Toi, tu vas attendre sagement ici et je te fais un signe quand le droit sera libre. Ouais, bonne chance, t'en auras besoin. Toi aussi, allez, go. Plus un geste, morveux. Et fais comme un rat. Oh non, non. T'as intérêt à faire vite, mec. Est-ce que Jason va réussir à prendre un vaisseau ennemi et Raymond réussir à sortir vivant de son guet-apens? Vous le saurez dans le prochain épisode du Mur de l'Imaginarium. Et oui, le fameux à suivre qui marche bien dans le milieu aussi. Cela permet de garder en éveil le... Mais tais-toi et verrons bien la suite dans le prochain épisode. Allez, à plus! Je m'appelle Funny Bear, je m'appelle... Mais putain, mais c'est pas le bon générique! Hé, hey, attention, droit d'auteur, moins de 30 secondes! Putain! À suivre.